pisser sur mon rapport de stage. Mon coloc a pissé sur mon rapport de stage. Mon coloc a pissé sur mon rapport de stage. Pendant la nuit, j'ai entendu de l'eau couler. Me suis levé et je l'ai vu debout en train de pisser. Partait sur mon cartable de travaux de stage. Tabarnak, le fuit!